Planet, long. Parcours inventif dans l'été réchauffant, un automne se déchiffre à la lune tombante. Maladie de zen, comme tu kiffes, sous les naseaux me passe, oh le cerveau me chante. Ce que la fumée me dessine, joue, danse, pas quoi et chante. Et le cerveau des racines, les lois des fils sortants. Le cerveau se déchante, rassemble toutes les usines pour un repas de sang. Ce sang clair ruisselle en toi, marque le début d'une histoire. Des chemins couverts de lois réservent de larmes au parloir. L'âme, le bon uniforme, que la vie vraie le bonheur. Voilà les sons, signe le sourire de ceux qui vivent dans la peur. Danger apparent n'est autre que source de la vie. Pourtant cette eau dans un torrent peut emporter la vie quand même. Les apparences parfois trompeuses, les choses que l'on affectionne, existent même sans qu'on les nomme. Ainsi la vie voile nos yeux. voilà mon Dieu. J'aime l'homme comme un amour. Quand on Thank you. ne fallait rosa, ne fallait rosa, ne fallait rosa. Oh yeah.